sa douceur même dans la vengeance. Il était fort doux de nature, même dans ses vengeances. Quand il eut pris à son tour les pirates dont il avait été le prisonnier, et auxquels il avait alors juré de les mettre en croix, il ne les fit attacher à cet instrument de supplice qu'après les avoir fait étrangler. Il ne voulut jamais se venger de Cornelius Fatita, qui lui avait tendu toutes sortes d'embûches. À l'époque où, pour échapper à Sylla, il était obligé, quoique malade, de changer toutes les nuits de retraite, et qui n'avait cessé de l'inquiéter qu'au prix d'une forte récompense. Il pouvait livrer à d'affreux tourments Philémon, son esclave et son secrétaire, qui avait promis à ses ennemis de l'empoisonner. Il se contenta de le faire mourir, appelé en témoignage contre Publius Clodius, qui était à la fois accusé de sacrilège et convaincu d'adultère avec Pompeia, sa femme. Il affirma ne rien savoir, quoique sa mère Aurélia et sa sœur Julie eussent fidèlement déclaré au même juge toute la vérité. Et comme on lui demandait pourquoi donc il avait répudié Pompeia, « C'est, dit-il, parce que je veux que les miens soient aussi exempts de soupçons que de crimes. »